Kyun Maka qui est avec nous, c'est quelqu'un qui est en contact permanent avec Gérard de Suren, puisque Gérard de Suren, du jour au lendemain, ne nous a plus donné de nouvelles, un petit peu comme les frères Jacques. Non, c'était quoi déjà? Les deux, il y avait deux comiques là, je sais plus comment ils... C'était les frères Jacques, ouais. Et il y en a un des deux qui a disparu du jour au lendemain. Les frères ennemis. Les frères ennemis, plus de nouvelles, et voilà, et Fildar, c'est ce qu'il vient de dire, les frères ennemis. Et donc, Kyun Maka. Bonsoir. L'ami intime de Face de Babouin. Pin de poney, est en contact avec Gérard qui nous a lâché du jour au lendemain. Plus de nouvelles. Il a quitté Sandy apparemment pour aller vivre aux États-Unis avec Christine. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc tu as, parce que toi tu es resté en bon terme avec lui. Tout à fait, voilà. Tu as des nouvelles de Gérard. Bah là j'ai un peu de la news apparemment, ça bouge, hein. il se passe des trucs. Donc il m'a envoyé une petite lettre là que j'ai reçue ce matin même. Ouais, il est où là en ce moment? Il est tout frais. Bah écoute, je vais te lire la lettre. D'accord. Là, tu situeras un petit peu. Donc ça commence comme d'habitude, mon pote, j'espère que tu vas bien, tout ça. Pour moi, ça a été un peu chaud en ce moment. On s'est fait expulser de l'hôpital John Kennedy à New York avec Christine depuis samedi. Donc, ils disent que c'est à cause des bruits, des odeurs, des problèmes sanitaires. Ouais, le pauvre, il rencontre les mêmes problèmes qu'en France. Et exactement. Il dit, bon, c'est dommage, on était bien là-bas, la cantine était gratuite, etc. On a donc été obligé de bouger. On est carrément parti de New York, direction le nord. Alors, on a rencontré plein de routiers qui nous ont pris et pas qu'on stoppe, bien sûr. On est donc au Canada. Donc, tu vois, apparemment, il est au Canada. C'est vrai. Manège. On est donc au Canada où je me suis exilé pour être un petit peu au calme. Et la grande news, j'ai en effet décidé d'écrire un livre, une autobiographie qui retracerait toute ma carrière, depuis mes débuts sous les ponts jusqu'à aujourd'hui au sommet de ma gloire. Ouais. Je pense que mon exemple peut servir à des jeunes qui voudraient s'en sortir ou à d'anciens toxico-alcoolos et autres analphabètes. En tout cas, je suis en pleine négociation avec la maison d'édition de Stephen King. Tu vois, Il voudrait produire ce livre. Il parle même de faire une grande saga et peut-être même d'adaptation et de droits télévisés. Je sais pas si t'imagines la célébrité et tous les avantages qui vont avec, style ticket resto et compagnie. Oh là la grande vie, quoi. Voilà. Donc, apparemment, il dit ensuite, en attendant, les gens ici au Canada sont vachement accueillants, en guise de bienvenue. Ils m'ont dit que je sentais le caribou, c'est plutôt sympa. Ah ouais. Voilà, avec Christine, tous les matins, on va nourrir les morses et les phoques sur la banquise. L'après-midi, je me fais un peu d'argent de poche en donnant des cours de pilotage sur glace au routier du coin. Ouais. C'est quand même un gros spécialiste du verglas. Oui, c'est voilà, vrai. Le soir, on se couche avec la meute de chiens de traîneau. Bref, on fait classe. Voilà. Après, il dort avec les chiens de traîneau. Ah bah apparemment, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est la vie du Grand Nord. Hein, c'est bien. Donc, et puis donne son adresse. Donc, tu peux m'écrire quand tu veux à l'adresse suivante. Donc, c'est Gérard Coudine, hein, toujours l'accent anglo-saxon. Gérard Cousin, ouais. Voilà, hôpital Robert Charlebois, chambre froide 12, code postal 86 Canada. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je te donne plus de nouvelles dès que possible. À bientôt, mon pote. Il nous passe pas le bonjour à nous. Ici, justement, il y a un petit PS. Ah. Passe le bonjour à mon pote Max, mais pas à son équipe de tocard. D'accord. Et il y a un petit message pour Sandy. Il me dit, si tu vois Sandy, alors je sais pas si je vais la voir. Il me dit, si tu vois Sandy, dis-lui qu'elle a dans le cul parce que c'est moi qui ai gardé la clé du tiroir à God. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Si tu nous écoutes, hein, bah, ce soir, c'est pas pour ce soir, en tout cas. D'accord. Ah bah ça, voilà, ça nous fait plaisir. Bah écoutez, moi je sais pas, je pense qu'il dit qu'il va donner des nouvelles rapidement, donc dès que j'ai des news, hein, de toute façon je vous tiens au courant. Hein, d'accord. Pour tout ça. Et puis ben voilà, apparemment il bouge, hein, il a décidé de se la jouer Globetrotter, donc à mon avis il faut s'attendre à le voir bouger un petit peu à droite à gauche rapidement. Hein. D'accord. Très bien. Voilà.